ni wakati ya Jesu Kristo. Motamo ya fulani kabla ya kuweza kumukamata. Mon kitabu qui est Marc, chapitre 14. Bible Nasema Yivi, verset 43. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas avant, il se jeta contre terre et il pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. » Verset 38, je n'ai intéressé Kabis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Et il n'a plus à couper ma croyance. Kabla yaye kuweza kwenda kufa. Kuna bakia quelques heures Jésus a kufa. Ende ku Gethsemane. Lakini anakutanisha ba mitume yake. Analokota mo Pierre, Jean na Jacques. Benye walitembea nabo wakati mrefu. Benye walifundisha maombi. Anabambia, mubaki hapa na mupate kuweza kuomba. Wakati Yesu anakwenda mbele kiloko, anaanza kuomba. Biblia inasema, alijitupa chini. Akaanza kuomba sababu ya Mungu amutosheye kile kikombe. Maana yake, ile souffrance ipite pembeni. Lakini, anamwambia Mungu, ishiwe mapenzi yangu. Iwe mapenzi yako. Sasa wakati anakujia kuba mitume, alibakuta banesha lala. Eko nabakumbusha, lamuka na uombe Pierre. Sababu, ushangue katika majaribu. Njo mana ya priyeri, tunakuwa na karibu chuma mshiri. Kuko tentasyo moye kuna kuya. Kuko maepreve moye kuna kuya. Sasa zingine itakuangusha muimani. Sasa zingine itakuangusha, itakurabishia situasyon. Njo kwa mana baliweza kutunga meza matakatifu, Dieu vous dit fortifié, vous pouvez être en groupe, il y a quoi ça pour avancer par moi dans le Amen. Na penda twimbe mwimbo moya mwimbo za Mungu. Unachoka, unaronsito. Unayua bien le mwimbo. Kami tabamba. Okay. Unachoka, unagozito. Semana Yesu, semana Yesu. Uruho yako. Okay. Unaweza kubamba. Kende pamoja sasa. Semana Yesu peke. Semana Bwana. Semana Yesu. Semana Yesu. angalibi ya leo. Huyo mwimbaji anasema unakosa furaha moyoni. Sema na Yesu. Unakosa mali ya dunia. Sema na Yesu. Banduku yako wanakuchukia. Sema na Yesu. Maana yake anapenda kutuambia mu situation yote tunakuya nayo, tuseme na Yesu. Amen. Joko maana napenda tuingie mu prière mangaribi ya leo. Kila mmoja anajua kile kinamuleta. Kuna kitu kinabloke mu maisha yako. Sasa zingine ni mapromesi ya Mungu inakawia kufika. Kuko mkono moya ya ngiza ile iko inaibloke. Sasa zingine ni batoto ku masomo. Babo ku passer des classes mpaka bana refaire, mpaka bana doubler. Tunapenda kusema na Yesu. Peut-être ni mukaji. Ba enemi bana shalamuka. Jina yako ndio le jina beko natangaza saa yote ku bashef. Tunapenda kusema na Yesu. Kuko kintu kila kiendeki. Peut-être ni situation financière. Aina mzuri. Sema na Yesu mangaribi ya leo. Inaweza kuya ministeri. Ministeri yako haichipuki. Sema na Yesu. Maana yake banduku mangaribi ya leo. Tunapenda kusema na Yesu. Situation yote ile tunakuya nayo. Yenyewe inaleta difficulty mu maisha yetu. Asa. Kuisite moya na umwambie Mungu na lomba tu neema yako ionekane huruma kwako Mungu unijalie iwe mezii ya kuweza kuvivre chini ya mapromesi yako. Basi tuombe mchina la Yesu. Mungu wetu na mfalme wa ajabu, wakati kama hii ya magharibi tunakuja kujatia katika mikono yako. Yesu wake usema katika Kama si wewe Bwana. écluses du ciel et que la pluie tombe ce soir, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir. Alléluia, Jésus. De présence, je me tiens en votre pluie. Répands ta pluie, arrose ma vie. Dans ta présence, je me tiens en votre pluie. Répands ta pluie. Rose mon corps, ouvre les écluses en abondance, répands ta pluie, arrose-moi, ouvre les écluses en abondance, répands. Domaine ya maisha yako yote deko na ikombanisha, kama utafungula kinwa na kuomba, kama utafungula kinwa na kuomba mangaribi ya leo, utashutuke na kuwa trotara. Ile haina suwe yangu. Suwe yangu ni Mungu akubariki. Mwaka hii na wewe endelee. Mwaka hii unyanyuliwe. Mwaka hii ubarikiwe. Mwaka hii ureisiri. Njobo neri ya ilime Mungu alitutakia. Tunapenda kumwadore Mungu. Banduku mutupatisha kukantiki ya adorasyo muzuri. Ata kami nakuya murefu, haina problem. Ne mwimbo moya muzuri ya adorasyo, tumuadore Mungu. Adorasyo inachena na luwanji. Tumuadore Mungu mangaribi ya leo. Jesus. Celui qui nous a affranchis, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui verse sur nous. C'est pourquoi tu en as des cieux, nous reconnaissons. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'adorons, Dieu de gloire. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, ravi pour toujours. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Dieu des armées, tu es Saint. Sainteté à ton nom, Saint, Tu es le seul Dieu. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vous bénis aussi et je bénis le Seigneur. Depuis le lundi, nous sommes là. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Mais je suis convaincu que cette semaine est en train de libérer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc demain, nous allons nous retrouver ici à 16h pour essayer d'atterrir avec les trois derniers points qui nous restent. Et j'ai dit que chacun demande à son parent la signification de son nom. Alléluia. Amen. Parce que nous allons prier. Taomba. Beaucoup de problèmes aussi sont dus à nos noms. Alléluia. Amen. Alors demain nous allons prier. C'est vraiment un jour de prière. Nous commençons à 16h pour essayer de terminer à 18h. Comme nous faisons 2h, 18h on aura terminé. 18h10, à ce moment-là, nous avons juste le temps de souffler un peu pour le culte de dimanche, où nous allons parler des 10 choses qui nous manque et que Dieu est venu nous donner. Je bénis le Seigneur pendant toute une semaine aussi. Dieu nous fait grâce pour le travail qui est en train de se faire, malgré toutes les gymnastiques que nous faisons. Alors nous parlons des 10 domaines sur lesquels le diable met sa main pour nous bloquer. Nous avons commencé avec les hôtels qui sont dans nos maisons et dans nos vies. Nous avons parlé de la réputation des gens. Le diable voudra toujours détruire ta réputation. Mercredi, nous avons parlé de la santé. Si la santé te lâche, le diable détruit ta destinée. Nous avons parlé hier des relations et du travail. L'ennemi aime toujours mettre sa main sur nos relations. Dieu ne t'a pas créé pour vivre seul. Et nous avons parlé du travail. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, dans Genèse chapitre 2 verset 15, il a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. C'était le travail. Ce n'était même pas la prière, même pas le temple. L'église est venue après. La loi est venue après. La grâce a précédé la loi. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est la loi qui a précédé. Non, non. Abraham n'a pas vécu sous la loi. La loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Mais avant la loi, Abraham avait la foi. Qui dit foi dit grâce. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. Le temps et le positionnement. Le temps et le positionnement. Le diable aime mettre sa main sur le temps des gens et sur le positionnement ou la localisation des gens. Et nous voulons comprendre ces choses. Prier, bâtir des hôtels. Cette semaine, nous bâtissons les hôtels. Et la table, c'est aussi une arme. Alléluia. Amen. Et tout ça, nous trouvons dans notre thème de l'année. Dans notre texte de l'année. Donc, Gédéon, c'est seulement presque 3 chapitres, 6, 7, 8. Dans les livres des juges. Alors chaque fois que tu lis les 3 chapitres, il y a des choses que le Seigneur met à cœur. Juges chapitre 6 verset 3. Domaine 6, le temps. Le temps. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Quand Israël avait semé, quand c'est un adverbe de temps temporel, c'est déjà, ça nous donne quelque chose dans la tête. C'est comment nous parlons du temps. Ce verset nous montre que Madian, l'ennemi, aujourd'hui nous disons le diable, connaissait le temps où il fallait attaquer. Frères et sœurs, le diable connaît le temps, il doit t'attaquer. Il ne t'attaque pas n'importe quand. Il choisit le temps. Le temps où tu es faible. Le temps où tu dors. Le temps où tu n'as pas de puissance. Il choisit le temps. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Le diable connaît le temps pour attaquer et faire mal au peuple de Dieu. C'est ça le principe du diable. Il choisit le temps. S'il a choisi le temps dans nos vies, nous allons briser ce temps-là. Nous allons briser sa main. S'il ne sait pas choisir le temps, il fait des complots pour envoûter ton temps. Dans les deux cas, nous allons prier. Alléluia. Ça, c'est l'introduction. Alors, je vais parler de Dieu. Dieu aussi a son calendrier. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a aussi son temps. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir, sois heureux parce qu'il y a un calendrier de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Il y a un calendrier de Dieu pour ta vie. Les gens se sont moqués de toi. Mais aujourd'hui, c'est le calendrier de Dieu. Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné pour bénir quelqu'un. Le temps de Dieu a sonné pour toucher quelqu'un. Le temps de Dieu a sonné pour changer la vie de quelqu'un. Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, 4. La technique, courons ensemble avec moi. Galates chapitre 4 verset 4. Galates 4, 4. La Bible me dit, je vais lire dans ma version, comme la technique est encore en retard. Galates chapitre 4 verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, ah ça j'aime. On dirait que Dieu attendait un temps. Dieu attendait le temps. Il fallait qu'il y ait la somme de plusieurs choses. Et quand ces choses-là ont été sommées correctement, la Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Son fils ne pouvait pas venir avant le calendrier. Il ne pouvait pas venir après le calendrier. Le fils devait venir dans le temps. Frères et sœurs, Dieu fera des choses dans le temps. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a créé une journée et qui a donné 24 heures à une journée. Le diable n'a aucune heure. Alléluia. Amen. Les riches, les pauvres, les grands, les noirs, les blancs, les minces, les gros, Nous tous là, si, si, zote, nous avons 24 heures. Na Alléluia. Amen. Nous avons une journée de 24 heures. Vous comprenez pourquoi au ciel, ça sera compliqué. Hein? Ça me rassure. Quand une journée a 24 heures, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Il y a des jours où tu n'as pas sommeil. Tu regardes l'heure. Le jour va venir. Même s'il m'embrouille la nuit, le jour va venir. Frères et sœurs, même si tu as des problèmes, le jour viendra. Alléluia. Amen. Mais le diable connaît aussi le temps. Il connaît les saisons. Il connaît. Je dis qu'aujourd'hui nous allons prier. Qu'est-ce que nous voulons dire exactement aujourd'hui? Il y a certains problèmes qui n'arrivent pas n'importe quand. Qui arrive seulement en certaines saisons. Il ne fait pas qu'on y a quatre mois à flan. Et le diable sait très bien. Il y a même des gens qui savent parmi nous. Quand c'est le mois de mai, notre famille a tel problème. Il faut bien mingi bina pita mwezi ya mai. Il y a beaucoup de monde en tout cas. Par exemple. Comme certaines maladies font leur résurgence à un moment donné. Ma gonjo ngina tomboka kwa wakati moya fulani. Comme qui dirait, il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Kama tuseme kuko nyakati ya mzuri na wakati nyingine ya mbaya. Je vais même aller plus loin parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la prière. Il y a certaines familles. Il y a même un âge donné que les hommes ne dépassent pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a même un âge donné que les femmes ne dépassent pas. Il y a un âge donné où les femmes ne se marient pas avant cet âge-là. Il y a un âge donné. Et donc, elles deviennent deuxième femme, troisième femme. Nous sommes en prière. Tout comme maombi. Nous devons comprendre ces choses. On a pas ce qu'elle est au maneno haya. Le diable met la main sur certains temps. C'est un nana weka mkono yake panyakati. Le temps où tu dois recevoir. Ile nyakati uko tayari kupokea. Il te bloque. Yeye anakubana tu. Il te met dans la distraction. Anakuweka katika hali ya kulengama. La Bible dit qu'un jour annonce un autre jour. N'est-ce pas? Réfléchissons. Si un jour annonce un autre jour, c'est que les jours se communiquent. N'est-ce pas? C'est que les jours se parlent. Les temps se parlent. Il dit moi je m'arrête à ce niveau. Et toi aussi prends la relève. Fais aussi continue l'élève. Il y a des vies comme ça. Un problème se termine. Un autre commence. Parce que les temps se parlent. Les temps se parlent. Mais aujourd'hui, nous allons briser le calendrier des hommes, le calendrier du diable. Nous allons nous remettre sur le calendrier de Dieu, qui est le calendrier de notre destinée. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans certaines familles. Quelqu'un commence à atteindre l'âge de 50 ans, on dit que non, bientôt là, il va mourir. Quand on a 10 ans de mariage, c'est que n'aime, il va divorcer. S'il atteint 10 ans de mariage, c'est une grâce, en tout cas, il va divorcer. Si un enfant atteint 6e année, alors il est engrossé subitement. Bien-aimé, ce n'est... Non, ça c'est le travail du diable. Inikazi ya shetan. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai dit que Léo, nous allons prier. Djuma, tout à omba. Les choses fécondes. Kanisa chemchemu la usa. Ça doit changer. Cherti ibadilike. Je veux voir des gens élevés, des gens enrichis, des gens extraordinaires dans cette église. Dania y kanisa. Alors nous allons prier. Tout à omba. Pour que tous les temps il y a quatre yotes que l'ennemi a choisi pour nous embrouiller. Il y a deux yotes à quoi il y a tu fais aïche. Vous savez, parfois l'ennemi envoûte le temps. Maraming a deux yotes qu'on envoûte à quatre yotes. C'est très malheureux si tu ne sais pas discerner le temps. Il y a ole kabisa kama nashinda kupambanua zaidi ya kati. Dans chaque famille pour réussir. Mukila jamala pakuweza kufayulu wala kuweza. Il faut avoir l'intelligence du temps. Uweko kwanza na akili juu ya nyakati. Dans la vie. Umaisha. Vous allez voir quelqu'un, les gens qui deviennent riches, c'est que à un moment donné où ana lamuka tu ana ujisha, anaanza kujisha paka mankochi kisha mvula inaanza moyo wote mwako mnamuza. Les gens qui deviennent riches, à un moment donné vous allez commencer à vendre les imperméables, par après tout le monde vient acheter chez lui. Crise na bamba bamba tu bote. Et la crise atteint tout le monde. C'est le moment où maintenant il a fait la récolte de ses maïs. Ça, ce sont des gens qui ont l'intelligence de temps. Ce sont des gens que Dieu a mis à part. Mais il y a des gens, quand c'est le moment de vendre le maïs, oh, maintenant, ils connaissent un dégât dans leur champ. Oui, même les maïs sont brûlés. Tu es consommé. Bien aimé, c'est l'œuvre du diable. Iyote ni kazi ya shetani. J'ai découvert un texte, un chronique. Il vumbulako ada. Un chronique chapitre 12. Mambo ya siku, un chronique chapitre 12. Sura yake ya kumi na mbili. J'ai aimé ça. On ne va pas tout lire. Tutasoma yote. Je commence à partir du verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Waouh! David a choisi des gens pour lui transférer la royauté. Il est selon l'ordre de Dieu. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être transférées chez toi si tu ne comprends pas le mystère du temps. Hier, je disais que l'argent était mystique. Mystique. C'est pas tout mystique. Mystique. Le temps aussi est mystique. Mystérieux. Il faut comprendre. Je saute tout ça. Mettez-moi le verset 32. Regardez très bien. Des fils d'Issacar. Ayant quoi? Ils avaient quoi? L'intelligence des temps. Je me suis arrêté d'avoir dans ma Bible. Je dis ça, c'est terrible. Issacar, c'est le fils de Léa. La femme que Jacob aimait, c'était Rachel. Pour gagner, il y a pas de. Vous allez voir comment Dieu rangeait les tribus. Tu as vu le monde quoi na panga visasi, Kabila. Judas, Yuda était à côté d'Issachar. Ali kuya pembeni ya Issachar. Je me demandais pourquoi. Yuliza kwazi lianini. Non, Issachar. Maneko uyu Issachar. Avait l'intelligence des temps. Ali kwa nya akili ya nyakati. C'est quoi l'intelligence des temps? Akili ya nyakati nini? C'est savoir. Maneko ni kujua. Ce qu'il faut faire. Ile unapaswa kufanya. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas la prière. Haina paka mambo ya maombi. C'est cette relation avec Dieu. Hapa ni uhusiano pamoja na Mungu. Donc, sur les 12 enfants, katikati ya watoto wale 12, dans cette famille, ndani ya ile jamala, il y avait un ulikuwa mmoja qui avait l'intelligence de temps. Alikuwa na akili ya nyakati. Si dans votre famille, kama mukanisa, si dans une église, hakuna ta moya, il n'y a même pas une personne. Et qu'on a intelligence ya wakati, il y a l'intelligence de temps. Vous ne saurez pas ce qu'il faut faire. Amutoye nini ili mutafanya. Et quand le faire? Na wakati gani kuifanya? Même dans les affaires. Ateka tika viashara. Frère, ndugu yangu, ceux qui réussissent, bale beko na weza, ils ont l'intelligence de temps. Beko na akili ya nyakati. Vous allez tous en Dubaï. Tanzanie. Vous allez tous ensemble en Tanzanie. Je ne sais pas, en Turquie. Vous allez tous en Turquie. Vous n'avez pas manqué. Tu as une prenque de robe. Mais il y a un cas en Hongrie. Mais regarde un peu. Inspiré. Frère, Dieu est terrible. Oh, mon Dieu est diable. Vous n'allez plus rien que les robes. Mais il y a un chocolat tout bite de bébé. Lui, il prend rien que les lettres de bébé. En Akouyanav. Anakuwa nayo. Dieu le sabantu kuza. Acha bantu kuzala. Là où les hommes na metto mon. Oh frère. Ndugu yangu. Il a l'intelligence de temps. Eko na akili ya nyakati. Ah, il faut comprendre ce soir. Basi tuombe tu mangaribi leo tena. Acha kujua saa yeye kuyenga. Oui, c'est à quel moment il faut construire. Munapata mwebote makuta pamoja. Vous avez l'argent ensemble? 50 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars à chacun. Pendant que tu bâtis ton restaurant là-bas, il n'y a rien que c'est vrai. Voilà. Anaïs, il termine comme ça. Acha ba creuseur nanjale. Les creuseurs maintenant, ils vont là-bas. Frère, bana za ba kumunza. Il vient toujours acheter chez lui. Non, ouais, on a son motoka ko ju ku. Même toi, tu as vendu même ton véhicule pour venir acheter chez lui. Ah, il faut prier Dieu. Fazali komba bon. Et le diable envoûte les temps de plusieurs. Shetani nego navuta nyakati ya watu wengi. Le diable envoûte le temps. Shetani eko navuta nyakati. En ce jour qui t'est donné. Kwa ile siku ilikupewa. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Kama uweza kutambua saa ya matembezi yako. Donc la victoire dépendait de la connaissance du temps de la visitation. Pour qu'on n'envoûte pas ton temps, il y a trois choses. On va prier pour ça. Ça fait presque toute la semaine que je répète ces trois choses. La première chose, il faut lever un autel. La deuxième chose, quand je dis autel, il y a sacrifice. Sacrifice. Et après sacrifice, il y a les paroles. Léo, il faut ombe que je peux distraire. Aujourd'hui, tu dois prier, ne sois pas distrait. Le temps que Dieu a préparé pour ta délivrance. Le temps où Dieu a préparé pour ta délivrance. Troisièmement, qui tout y a tâte. Chaque temps correspond à une position. Kila nyakati iko na fasi kule mtu anapaswa kuya. Traduis bien. Chaque temps kila nyakati correspond à une position. Inalinganisha na fasi moja fulani. Alléluia. Amen. Chaque temps correspond à une position. Kila nyakati inalinganisha na fasi moja fulani. 2 Samuel chapitre 11. Samuel apiri sura ya 11. On commence à partir du premier verset rapidement la technique. Tunaenda kwa haraka kabisa. 2 Samuel chapitre 11. Samuel apiri sura ya 11. L'année suivante, regardez très bien. Regardez très bien. Oui, fata na mtazama vizuri. L'année suivante, wakati ingine ile ilifuata, autant kwa nyakati où le roi se mettait en campagne, kule wa mfali wa varienda kwenda muweka mkampeni, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. David atuma Joab na batumishi wote na Israeli yote. Pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabba. Ile baribishe wana wa Amoni na bende ba kamata mataka. Mais alakin autant Wanyakati, où le roi devait se mettre en campagne. Mais David resta à Jérusalem. Mais chaque temps demande une position. Au lieu d'être à la position, il doit être en ce temps-là. Il y a des gens qui ne sont pas là où Dieu les voit à ce temps-là. Verset 2. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait, voyez un peu, au lieu d'être à la guerre, au front, maintenant comme il n'est pas à sa position voulue en ce temps-là, il se promène par Malata, sur le toit. Et quel roi? Il se promène sur le toit de la maison royale. Quand on n'est pas à la bonne position, c'est qu'on commence à faire. Il se promène même pas dans le jardin. Il est au-dessus du toit. Sur le toit. Yulu ya malata. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Quand tu n'es pas à la bonne position au bon temps, le diable a envoûté son temps. Verset suivant, 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille Daouja na uliza huyu mwanamke ni mwanamke kani? Duri le Étien. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. La suite, on n'a pas le temps de lire jusqu'à ce qu'il décide de tuer Uri. Milari kamata mpango amuue Uria. J'ai réfléchi. Yanza kufikiria. David, au lieu d'être au front en ce temps-là, Daoudi kabla akuwe kushamba na vita kwa yini wakati, il était ailleurs. Ya ilikuya fasingine. Et il a eu des problèmes. Na alipata matatizo. Chaque temps, maana kila nyakati correspond à une position. Yakunalinganisha na fasi pale unapaswa kuya. Quand c'est le temps d'aller à l'église, venons. Kama ni wakati ya kuya kanisa, tukuya kanisa. Quand c'est le temps de travailler, travaillons. Kama tena ni wakati ya kufanya kazi, tuende kukazi. Quand c'est le temps de dormir, les gens dorment, toi tu ne dormes pas. Tu verras, c'est qu'il ne faut même pas voir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chaque chose bonne en son temps. Kila kitu kiote kema kiko na wakati yake. Alléluia. Amen. Troisième chose. Kitu ya tatu. 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17. Je vais essayer de lire rapidement. Taisoma kwa haraka. Je dis qu'on doit parler de deux choses, alors je dois clôturer le temps rapidement. Je vais donner mon papier à Albert, il va m'aider à écrire. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Il se rendait chez elle pour manger. Verset suivant. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Qui passe toujours. Donc nous sommes dans le temps. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset suivant. Élisée étant revenu à Shunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Shunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Verset suivant. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset suivant. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Géasi pose deux problèmes difficiles. On le verra dimanche parmi les choses que Dieu nous donne. Verset suivant. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset suivant. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset suivant. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alors, je vais dire quelque chose que j'ai essayé de reconstituer. Hein. Écrivez bien cette phrase que je vais lire. C'est important. C'est lui qui ne connaît pas son temps. N'aura jamais ce que le temps prévu pour lui. Je reprends. Celui qui ne connaît pas son temps n'aura jamais ce que le temps a prévu pour lui. Si tu ne connais pas le temps de ta visitation, tu ne sauras jamais ce que ce temps a prévu pour toi. Si tu ne connais pas le temps de ton élévation, tu ne sauras jamais ce que ce temps a prévu pour toi. Si tu ne connais pas le temps de ton mariage, tu ne sauras jamais ce que ce temps a prévu pour toi. Tu ne sauras jamais ce qu'il faut faire pour avoir cette bénédiction. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Ils n'ont pas joui de ce que ce temps a prévu pour eux. Cette femme de Shunem a compris que le temps où cet homme de Dieu est en train de passer, je peux recevoir quelque chose. Mon mari, faisons quelque chose. Ne ratons pas ce temps. Parce qu'Élisée est mort après. Cette femme n'était pas la seule veuve. Elle n'était pas la seule stérile. Frères et sœurs, si tu ne connais pas le temps de ta visitation, ne laisse pas passer ton temps, ni dans ta famille, ni dans tes affaires, ni dans l'église, ni au travail. Ne laisse jamais passer ton temps. Si tu laisses passer ton temps, le temps ne va pas enfanter les grâces prévues pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour que Jésus naisse, on l'a lu dans Galates. Dieu devait saisir le temps. On va le voir tout de suite après. Marie devait se trouver au bon endroit, au bon moment. Oh, ce soir, nous voulons prier. Que le diable n'en foute pas nos temps. Shetani ashivute nyakati yetu. Nous allons prier aussi pour les gens qui connaissent des temps dans leur famille qui sont envoûtés. Il y a des familles où ils ne dépassent pas un âge donné. Il y a des familles où ils doivent se marier seulement après 35 ans. Non, où les femmes doivent être épousées seulement après 35 ans. Et puis se retrouver 2, 3, 4e. Il y a des familles où certaines maladies apparaissent seulement à un temps donné. Même dans ton corps, il y a même des gens qui sont conditionnés. Ils savent que tu as ma période mina lokula ka malari. Il y a celles qui se connaissent même bien que c'est la période où je tombe malade. Et il dit ça comme ça. Et qu'on a ces mauvaises choses. Ah, frère! La période où je tombe malade. Au nom de Jésus. Si dans votre famille, il n'y a que 50 ans, il n'y a que 60 ans, même pas 60 ans, il n'y a que 70 ans, même pas 70 ans, je déclare aujourd'hui, c'est malheur, en tant que serviteur de Dieu, tu franchiras le cap de 70 ans. Alléluia. Amen. Si dans votre famille, après 35-40 ans, les femmes sont je déclare que oui, déjà, toi, à 24 déjà, ans, après 25 ans, vous serez épousé au nom de Jésus. Ah, nous allons briser les choses ce nous soir. T'avons déjà vu tout mangari baléo. Nous allons briser des choses. À qui que t'avons déjà vu tout. Mais il faut avoir l'intelligence. Ah, Issachar, quel Kuyakona akili anyakati. Quelle tribu? Kabila na mwana kani. La tribu d'Issachar. Eh, kabila ya Issachar. Oh non, si tu peux pas te croire pas la tribu de Judas. Tout la tribu de Judas, il n'y a pas de problème. Somme tribu de déjà, il n'y a pas de problème. Si tu as l'intelligence des temps, frère. Kini kamoko na wakati akili anyakati. Il y a des choses, on n'a peut-être pas le temps de dire. Les hommes d'affaires, je lisais, on m'envoyait des extraits comme ça. Quand il y avait la crise immobilière dans le monde. Vous connaissez, non? 2006, 2007, parce que crise inapite. Tous les gens vendaient leur immobilier parce qu'il y avait une crise. Ça ne rapportait plus. Et un monsieur, lui, il fait qu'acheter les maisons abandonnées. Donc, vous avez quelqu'un qui construit une maison là, qui ne termine même pas, lui, achète ça. Quelqu'un, il a une petite parcelle, il paye ça. Ah, une fois, je crois que je disais ça à mon épouse ou aux enfants, je ne sais plus. Je me suis repenti. Il y a un peu. Je veux vous dire quelque chose. Le quartier Kampumpi, là où il y a l'église. Quartier Kampumpi, là où il y a avant qu'on puisse lotir. Le monsieur là m'a suivi, moi, le premier. Le monsieur là m'a suivi, moi, le premier. Me disant que j'aimerais que tu puisses acheter tout. Frère. Depuis là, je me suis toujours repenti. J'ai dit Tangi Seigneur, a pas le tout, na tubwa ka se bwana ni nini. Mais là, c'est ma apana. Il dit non. Discussion, bon bref, j'ai acheté deux ou trois. Na weza kubishana na uza sema. Quand il avait vraiment besoin d'argent, mina muta Elvis. Bon, quand j'avais Elvis besoin de l'argent, j'ai appelé. Vous appelez Elvis, l'ancien Elvis. Bien. Bon, toi aussi prends un peu. Na wewe, beba kipandoko. Et puis le diacre qui n'est pas là. Na muta tena na diacre qui. Toi aussi prends un peu. Na wewe, beba kutene kipande ngine. C'était l'herbe partout. Il couille ni poli fashi yote majani. Mijo wa kwanza mimi naingia na mazembe, mimi na pasula pala bala. J'étais le premier là. Mimi na pasula. Mimi na sema bon. Bon, mimi na beba. J'ai dit bon, moi je prends ici. J'ai dit Seigneur, si j'avais l'intelligence des temps. C'est bon, comme dit quoi qu'on a qu'il est cute ni kia. J'allais prendre toute la concession. Frère. Donc ya. Maombi, bon, ni maombi. La prière aussi, bon, ça va. Prions. Bon, ben mais il faut avoir l'intelligence des temps. Kuyakutena akili ya nyakati. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont acheté des parcelles orange. Les bandes, courant. Les pasteurs qui étaient ici. Pasteur, tous les pasteurs m'ont dit, l'église sous féconde commençait ici. On a vendu des parcelles. 5 000 francs. 10 000 francs. Frère! Et aujourd'hui, pour trouver ce morceau, on a discuté, on a acheté des morceaux pour avoir la clôture. Mais si on avait l'intelligence du temps, bien-aimé, il y a certaines personnes, dès que vous séparez avec lui, directement il prospère. Pourquoi Barafiki? Vous êtes ami. Non, mais il n'y pas bien. Moi, j'ai pris cette partie. Quand il reste, pan, pan, pan, pan. Tu t'es maudit toi-même, tu dis Seigneur. Et puis après, pour se retrouver, ça devient compliqué. Donc celui qui ne connaît pas son temps n'aura pas ce que le temps a prévu pour lui. Oh bien, mais ça c'est fort. Nous connaissons le temps. Alors, domaine 7, là où le diable met sa main, c'est le positionnement. Le positionnement. La localisation. Ah, kujikuta face moya fulani. Bon, parfois on ne sait pas dire, mais vous comprenez ce que c'est. Juge chapitre 6, verset 11. Juge 6, 11. Juge 6, 11. Savez, en méditant la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille des Biézer. Gédéon son fils battait du front. Donc ce jour-là, Gédéon s'est retrouvé sous le térébinthe. Ce jour-là, il est sicou. Nathanaël. Nathanaël s'est retrouvé Alijikuta sous les figuiers. Chini ya mutini. Ce jour-là, ile siku tena, Pierre et ses amis sont retrouvés à la mer. Petro na barafiki yake alijikuta kubahari. Ce jour-là, ile siku tena, cette femme, wanawake wa saba, en ce temps-là, kwa ile wakati, et ce jour-là, ile siku, s'est retrouvé au puits. Généralement, le diable fait éloigner les gens de leur position idéale. Soit il t'éloigne, soit il te bloque pour que tu n'arrives pas à la bonne position. C'est quoi le positionnement? Face on a style où ni nini. Le positionnement signifie. Et le face on a style où couille pour ni. Se retrouver au bon endroit. Tu écoutes pas face à mesure. Au bon moment. Il y a quand il y a quatre années à mesure. Ça, il n'y a que la grâce de Dieu. Et il n'est pas qu'à tourner ma yamou. Au bon endroit. Face à mesure. Au bon moment. Na, il y a quatre na face à mesure. Ça, c'est la grâce. Je donne quelques exemples et on va prier. Luc chapitre 19, versets 5 à 7. Luc 19, 5 à 7. Premier exemple. Il me fait un yétu à quoi? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre. Et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ok, je m'arrête là. Je me pose la question. Quand nous lisons, comme vous et moi, vous pensez que Zachée c'était le seul sur Okumuchi? Est-ce que vous pensez que ce jour-là, il n'avait que Zachée seul à l'arbre? Je pose la question. Na ulizako. Une grande foule. Makutano mengi kabisa. Tunonaka si bote. Nous voyons tous. Bangati banga rumichi. Combien de personnes qui montent sur les arbres? Plusieurs. Bantu bamingi. Zaché n'était pas le seul. Zakayo kwa peke yake. Atakule nyomusi, ce n'est pas sûr qu'il était seul. Même cette même arbre, quoi pas, il n'était pas seul. Il y avait encore des gens. Je comprends pourquoi les gens ont murmuré. Je connais pas tant que non, non, naïve. Si vous êtes commis, comment pas cailler? Tous là, nous sommes sur l'arbre, maman. Pourquoi on a choisi que lui? Mais Zaché était bien localisé. Zakayo yeye, bariweza kuona kana paka pafasi pale basi. C'est-à-dire que il y avait sûrement plusieurs arbres. Maneke miti ilikuwa ya mingi. Peut-être qu'il y avait plusieurs personnes à tous les arbres. Marengi ni kumiti yote kulikuwa paka bantu. Mais l'arbre là où Jésus a levé les yeux. Sasa ile muti kule Yesu aliangalia. La branche que Jésus a regardé ce jour-là. Ile muti Mungu anaweza kuangalia kule Yesu. C'est là que se trouvait Zaché. Ni kule Zakayo kwa sababu panda. Il était bien localisé. Alikuwa pa muti moya mzuri kabisa. Frères et sœurs. Dugu nadhani. Il y a des gens dans la vie. Kuko watu wengine maisha. Qui sont très bien localisés. Beko pa fasi mzuri kabisa bati. Unaonekana mzuri kabisa. Même pour être marié. Hata kwa kuweza kuolewa. Mes sœurs. Pata da yangu. Omba localisation. Brille la localisation. Je te dis. Omba localisation. Brille que pour que tu sois localisé. Wakuko atakuwa mulikasi kuna zunguluka. Celui qui viendra te prendre en mariage, il sera ici en train de circuler ça et là. Il est sauré dans mon soko kuluamu. Et toi maintenant, à ce moment-là, tu vas au marché à Luambo. Urenda mon soko kuluamu. Toi, tu vas aller payer des choses au marché à Luambo. On dirait que vraiment coïncidence, il est mon mari, c'est quelque bien. Il y a certaines coïncidences là qui ne sont pas bonnes. Je vous dis. C'est-à-dire que ça, c'est la grâce divine. Et tu ne quoi ni nehema yake Mungu. Vous êtes alignés. Musta kudi panga mustani. Banakuya. 1, 2, 3, 4, 5. Banabala moya mbili paka kutano. Bon. 6, 7, 8. Mwe mwingie. 6, 7, 8. Tu te mpacha ma visa. Vous allez entrer dans le monde de visa. Mwe mwende. Mwe bengine. Murudie. Ah! Ah, apano. Mungu, je fais pas ma ishangu. Dieu ne fait pas. Il faut être bien localisé, frère. Où yako ba fasti mzuri? Uonekane. Même pour être engagé. Hata pa kuingia kukazi. Il corrige, dit non. Ana corrige. Bon, tu peux me dire pas kaba. Aba ba chini ma dossier tout ringine. Et ma seringine prochainement. Non. Apano. Bartimée, vous connaissez. Bartimée n'était pas le seul aveugle. En Israël. Israël. Marc chapitre 10, verset 46. Vous allez lire ça. Marc 10, 46. Bartimée n'était pas le seul aveugle. D'ailleurs, la Bible dit en Israël, il y avait plusieurs veuves, il y avait plusieurs stériles, il y avait plusieurs aveugles, mais Jésus ne les a pas tous guéris. Jésus n'a pas ressuscité tout le monde. Ce n'est pas qu'on avait fermé les morgues quand Jésus était là. Les morgues étaient là. Les aveugles étaient là. Mais quand Jésus quittait Jéricho, ce jour-là, au bord du chemin, Bartimée était assis Bartimayo à un bon endroit. Face, frères et sœurs, sache te positionner au bon endroit. Face, ya muzuri. Le diable s'arrange pour te donner de mauvaises positions. Shetani anafanya mambo yote akuweka pa fasi moya mbaya. Aina paka akili na ujisaka bantu maisha banduku. Aina paka maombi. Serpa. Rien que la prière qui termine des choses. Des choses très. Hapa ni kuna funcha bitu ya muhimu kabisa. La position. Fasi kule utajikuta. Te fera rencontrer des grands. Itakufanikia ukutane na watu wakubwa. N'est-ce pas? Amen. La bonne position. Fasi utajikuta pale pazuri pa kuonekana. Te fera élever dans la vie. Takufanikia tena wewe uinuliki katika maisha. Le bon temps. Il y a quatre mesures. Libérera beaucoup de grâce dans ta vie. Il t'a fongolisha, manema mingi maisha yako. Je vais lire un texte, on va terminer par là, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Genèse chapitre 18, verset 1 à 4. Mwanzo 18, 1 à 4. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Quand je lis ce verset-là, je relis. Le verset me pose des problèmes. Dieu apparaît à Abraham. Mungu anamuonekania Ibrahim. Parmi les montagnes. Katikati ya milima. Quand il était assis. Wakati alikuya alishaikala. À l'entrée de sa tente. Kwenye lango wala kingilio ya hema yake. Mais il pouvait se retrouver à l'intérieur de la tente. Aliweza kujikutanisha ndani ya hema yake. N'est-ce pas? C'est vieux. Il pouvait être endormi. Aliweza kuwa maringine, mwenye kulala. Dans, en plus, c'est sa tante. Il est ni hema yake tu. Il n'aurait pas péché. Aliweza kufanya zambi. Mais puis on ajoute. Anaongeza kutena hivi. Comme il n'y a rien pour rien dans la Bible. Kama kuna kitu kiabule, ndani ya Biblia. Pendant la chaleur du jour. Ni wakati ulikuwa kivukutu ya siku. Ah bon? Ah. Donc certains problèmes Maneke, mambo ingine, nous aident à nous positionner correctement. Frères et sœurs, ne te fais pas dans la vie. Donc, il y a des problèmes que tu auras qui vont t'aider à te retrouver à la bonne position au bon moment. C'est pourquoi ne te plains pas. Ça fait que tu auras des problèmes à cause de la chaleur. Abraham s'est retrouvé à l'entrée de la tente. Quelqu'un qui traverse des problèmes difficiles, ma prière ce soir est que ces problèmes dans ta vie, dans ton travail, dans ta maison, dans l'église, dans ta santé, puisse te positionner au bon endroit. Alléluia. Amen. Donc les problèmes Maneke, mambo mbalimbali font partie du plan de Dieu. Na hiyo inakuwa katikati ya matengenezo ya Mungu. C'est normal si tu as problème. Fanya tu amen kama unapata mambo. Ah, en tout cas, si pentecôtiste, ay Mungu atusaidie. Amen. Maintenant le verset 2. Mustaria ki apili? Le verset suivant. Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Vous pensez que Marco mon s'il était au dedans de sa tente, c'est allait voir ces trois hommes. Il n'allait pas les voir. C'est parce qu'il était à l'entrée. Pourquoi il était à l'entrée? Parce que qui vous coûte qui répite. Parce qu'il faisait tellement chaud. Il dit que ce soir, toutes les chaleurs là qui dérangent ta vie, positionne à un bel endroit là où tu vas te trouver. Oh, mon Dieu, dérange ma vie. Il a dérangé ta vie. Oh, qui dérange ta vie. Positionne très bien. Positionne bien là où tu vas te trouver. Au nom de Jésus. Maman, on n'a pas ta business. Le problème que nous avons dans le business, ça va te pousser. Là où tu vas te battre, pour que tu te positionnes, pour que tu rencontres avec Dieu. Maman, moi, je n'ai pas mauvais. Tous les problèmes ne sont pas mauvais. Abraham. Ah, il devait remercier la chaleur ce jour-là. Quand la maman, il y a qui faut te réchiquer. Verset suivant. Mustari fata yutena. Et il dit, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Vous savez, bon, on n'a peut-être pas le temps. Ils étaient à trois. Mais dit Seigneur singulier. Bwana. Donc déjà par trois, anona seulement à papeko. Il a vu que parmi ces trois là-bas, il y a quelqu'un. Peko quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le dépasse tous. Ah si je n'ai pas, mais on a seulement belé. C'était qui? Mungu. Seigneur. Si j'ai trouvé grâce Donc c'est lui qui était détenteur de la grâce devait parler. Ah, bravo. C'est un problème. Vont pousser les détenteurs de la grâce de parler sur ta vie. Verset suivant. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. N'est-ce pas? Verset suivant. Bon, sautons verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Qui vous coûte qui moi? La même chaleur. Moi et Inge. L'un dedans. Moi et Konda. Et l'autre dehors. Ah, heureusement. Hey, tu quoi? Frère. Mambo moya moya na tubamba. Le même problème qui nous atteint. Kuko ule. Il y a les cellules là. Anabaki a mutante. Il reste dans la tente. Kuko ule ko inch. L'autre est en dehors du temps. Ni mambo moya moya. Mais le même problème. Kuko ule itamua. Il y a celui-là qui sera mort. Kuko ile itamua. Et l'autre là sera sauvé. Kuko ile ule itamubariki. Il y a celui-là qui sera même béni. Kuko na ule itamubariki. L'autre là ne sera même pas béni. Donc quand il faisait 40 degrés, c'est 40 degrés et pour Abraham et pour Sarah. Heureusement pour Sarah. Qu'elle était mariée à Abraham. Qui avait la grâce d'un bon positionnement. Aujourd'hui, nous allons prier que Dieu nous fasse cette grâce, frère. Alors le verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Donc si Abraham n'était pas à la porte, il n'allait pas voir ces gens, il n'allait pas faire ce sacrifice et l'enfant ne serait pas venu. Oh bien-aimé, il faut être au lieu où Dieu peut te recevoir. Il faut être au lieu où Dieu peut te recevoir. Je lis maintenant, j'ai lu les phrases que j'ai écrites pour qu'on gagne le temps. Il faut être au lieu où Dieu peut te recevoir. Il faut être au lieu et à l'heure où Dieu a un besoin. C'est ça le positionnement. Marie était au temps et au lieu où Dieu avait un besoin d'un fils. Marie, mère de Jésus-Christ. On ne va pas lire dans Genèse chapitre 27, verset 1 à 8. Isaac avait besoin de manger pour bénir ses enfants, un seul. Sur les deux, il devait venir un seul. Il fallait combler le besoin du père. Frères et sœurs, il faut être au lieu où Dieu a un besoin. Isaac avait un besoin. Il appelle Esaü. Il dit, j'ai besoin de manger la nourriture que j'aime. Ce jour-là, cette nourriture n'était pas dans la maison. Mais ce jour-là, il avait un besoin. Frères et sœurs, quand Dieu a un besoin, soyez le premier à combler les besoins de Dieu. Quand Dieu a besoin de sauver les gens, quand Dieu a besoin de l'évangélisation, quand Dieu a un besoin à la chorale, quand Dieu a un besoin dans l'église, quand Dieu a un besoin dans ce pays, quand Dieu a un besoin dans ta famille, sois le premier. Ce jour-là, le Père avait un besoin. Il voulait manger. Il voulait de la nourriture. Il n'était pas dans la maison. Il appelle son fils. Il dit, mon fils, tu es l'aîné. Tu es ma force. L'aîné. C'est quand les parents ont la force. Et j'étais tout appris. On apprend tout aux aînés. On apprend tout aux aînés. Quand les parents ont la force, il dit, prends les armes. Va en brousse. Mais tu es un animal. Tu connais le repas que j'aime. Il avait deux enfants, frères et sœurs. Un connaissait le repas de papa. L'autre ne connaissait pas le repas de papa. Mais seulement, il était bien positionné. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir, tu peux ne pas avoir la connaissance, mais si tu es bien positionné, tu peux être béni dans ta vie. La localisation, le positionnement permet à quelqu'un d'être béni. Esaïe avait la connaissance. Il avait la force de la prière. Il avait la force d'aller en brousse. Il avait la force d'écraser les serpents. Comme on nous prions généralement. Tout à Kanyanga Satan. Tout ça, il avait la force. Parce que dans la forêt, il y avait des serpents. Il a pris ses armes. Il est parti. Mais Jacob était positionné à la cuisine. Wow! Ce jour-là, le papa avait besoin de la nourriture. Jacob était là. Jacob n'était pas parti se promener. Frère, être au bon moment, là où il faut dans la vie. Être au bon moment. Vous travaillez nombreux. Four se fondent, en tout cas toi tu es brûlé. Rien que toi. Vous n'avez jamais vu Bantoube Kossan. Vous n'avez jamais vu Bantoube Kossan. On jette les pieds d'une manière aléatoire. Ça dépasse tout le monde. Ça vient rien que sur toi. Les voleurs viennent, ils sautent toutes les maisons. Ah, que chez toi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La localisation. Alors, Rebecca a dit à son fils, j'ai entendu ton père. Il cherche une bonne nourriture. Tu es dans une bonne position. Mais là, vous savez, la bonne position fait amener même les grâces qui ne sont pas prévues pour toi. La bonne position fait arracher certaines grâces à certaines personnes et te l'amener. Alléluia. Amen. La mère a dit à Jacob, prends. Kamata. Amen. Jacob ne savait pas préparer. C'est un petit fainéant. Donc, à son avis, il ne savait même pas ce que son père voulait. Mais ce n'est pas ça le problème. Il est haïmambo. Parce qu'il était bien positionné. Frères et sœurs. Si tu es bien positionné, même ce que tu ne pouvais pas avoir, tu peux l'avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains mariages. L'homme vient, je ne sais pas d'où. Il cherche une femme à prendre un mariage. Il ne trouve pas. En tout cas, je dois rentrer rapidement. Allons même dans la maison de Papa José. Il va entrer là-bas, il va trouver une femme. Celle que tu aimais quand tu pleures, le lieu, voici le jour, siku, la position, na, voici le jukuta, tu n'étais pas là. Ouais, ya okuwako. La grâce est partie. Inatoka, c'est comme ça que la grâce est venue chez nous, les païens. Kule, parce que Israël, à l'heure où Dieu les cherchait, c'est comme ça que Jésus a pleuré. Cette grâce vous sera enlevée. Il sera amené ailleurs. Ça reviendra peut-être après. Quand vous lisez Apocalypse, ça ne sera plus la foi. Ça ne sera plus la foi. Ça sera par les œuvres. C'est comme ça qu'on parle de martyrs. Dès que tu crois en Jésus-Christ, qu'on coupe la main. On décapite la main. Si tu crois en Jésus-Christ, on te perce dans le ventre. On te perce là. Croyons maintenant avec tous nos membres que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais nous voulons prier ce soir. Donc, tu n'as pas d'accord avec ça. Nous allons continuer demain. Tenez-les chaque question. Demain à 16h, nous allons parler des noms. À 16h, t'as soumise à cause. Chacun va dire la signification de son nom. Nous allons parler de trois choses, je pense. Pour que je ne me trompe pas de trois choses. Nous allons parler de la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Couverture spirituelle. Après quoi Binguni, quoi Kiro, voilà. Est-ce qu'on fait quoi Binguni? Quoi Kiro? J'ai senti qu'il y avait un problème. Ouais. Kufunika quoi Kiro? La couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Finiko quoi Kiro? Nous allons parler de la libéralité. Ça sera juste en passant. Et puis nous allons parler des noms. Parce que le diable met la main sur plusieurs noms. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, nous voyons ça dans les délivrances, hein, à cause de leurs noms. Ce n'est pas ta faute, ou l'incambacha qui a couffé des siècles et des siècles. Ton grand-père déjà décédé il y a bien longtemps. Mais nous voulons d'abord prier. Nous fermons nos yeux. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons prier. Merci la chorale. Nous allons briser la main du diable sur notre temps et sur notre position. Ainsi bloqué wakati yako ya baraka. Je ne bloque pas ton temps de la bénédiction. Asikwe éloigné. Je ne puisse pas t'éloigner. Na position. De ta position. On a éloigné Esaü. On a éloigné Esaü. Jacob wa karibu anabariki. Jacob qui était prêt là a reçu la bénédiction. Non, bien aimé, nous voulons prier. Nous avons 5 minutes de prière d'abord. Avant de passer à la table. J'aimerais que tu pries. Napenda uombe. Si tu ne connais pas ton temps. Ton temps ne te donnera pas les meilleurs. Ton temps ne te donnera pas ce qu'il te faut. Si tu ne connais pas ta bonne position, la bonne position pour toi, oh, tu ne seras pas positionné pour cette bénédiction. Tu seras positionné pour ta bénédiction si tu connais la position. Mais nous voulons prier ce soir. Ton temps est précieux. Avant que je ne donne certains détails, nous prions d'abord. Chacun prie. Et pour le temps et pour la position. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, bien aimé. C'est un moment de prière. Oh, prie ce soir. Prie pour ta position. Prie pour ton temps. Être au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Du fond de mon être. Oh, alléluia. Jésus, le rivière de vent de la vie. Oh, oh, oh, merci. Du fond, oui, de mon âme. Quand les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le rivière de vent de la vie. Le temps des dieux pour toi. Du fond de mon âme. Du fond de mon cœur, il réimpose. Le rivière de l'eau de la vie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. La, la, la, la, merci Seigneur. La, la, la, C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Saisis ce temps. Saisis ce temps. Comme cette femme. Saisis ce temps. Je prie ce soir, je prie toutes mes détails sur mon temps, je prie sur mon temps, qui saillotte sur mon temps, je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse que l'ennemi m'éloigne de ma position, oh, réclame ta position. Ta position. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. Oh. Oh. Oh, que Dieu te bénisse. C'est un vendredi terrible. C'est le premier vendredi du mois d'avril. Deuxième sujet de prière. Nous allons prier ensemble maintenant. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Monte encore en prière. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Plus fort. Plus fort encore. Méga fort. Ce soir. Je brise. Dans ma vie. Dans ma famille. Toutes les limitations. Des temps. Ça devient un moment dangereux, bien-aimé. Il y a des familles. Par rapport à quelqu'un qui voit 50 ans. 50 ans. Tu as coup foi. Pour qu'il puisse mourir. Maintenant, nous sommes en train d'attaquer dans le camp de l'ennemi. Il y a des familles. Comme on a tambouka tout 30 ans, Mimba. Si, dépasse un peu comme ça, c'est fini. C'est la grossesse de Dieu. Il y a des familles. Moi, je foulane, ma malade foulane. S'il y a tel mois comme ça et telle maladie. Oh, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des choses. Au-dessus des problèmes. Au-dessus des problèmes. Il y a la mouvance du Saint-Esprit. Dis avec moi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Ma wakati yote ya mubaya. Mu famille yetu. Mu kizazi kietu. Mu ndoa yango. Mu maisha ya batoto. Mu maisha ya bibi. Mu maisha ya bwana. Leo. Ma wakati yote ya mubaya. Mine yangusa. Honoré. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes tous les Crie, tape mes cris, tape mes cris. La grâce va couler, la grâce va couler. Hey, mon famille. C'est fini. Avant de vous bloquer. Avant de vous limiter. Oui, oui, oui, oui. Seigneur, que ça coule ce soir. Que ça coule ce soir. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Oh, que ça coule, que ça coule. Oh, mon grand Koubarik. Mon grand Koubarik. Dieu te bénisse. Kwanzi ya leo ile miaka barikata mu famille nous kunaisha katika jina la Yesu. Amuta tata na kufa. Na mu famille nous tambua bazé. Bantu batazeka. Ile mamalara itafika tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na mwe mutapata makuta. Katika jina la Yesu. Tu vas prier encore pendant une minute. C'est ma mungu mina katala. Banyi loigné de ma bonne position. Sabine par mu éloigné Esaü. Baraka il quoi Esaü. Mais Satan na mu éloigné de la bonne position. Non mina katala. Mungu ni baké pa bonne position. Sans Zachée, sans Abraham. Sans Bartimée, sans Marie, sans la femme de Sunem, il va être la bonne position. Mama Isaïa, il est ma plan de Tianguisa. Il a couru éloigné Mbari, la position de Baraka. Il a Ikatala, au nom de. Commence à prier. Commence à prier. Oh, merci. Je vais rester attaché à la bonne position. Je m'aombi à ma jupe. Ça y a ma hombi. Prie. Prie. Prie. Comment résoudre ce problème? Il faut bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels. Bien-aimé, nous allons bâtir les hôtels. Prends ton sacrifice, prends ton vœu, prononce des paroles. Si tu n'as pas d'enveloppe, lève ta main. Mes mamans sont là, les deux, Micheline et maman Evody. Levez la main en faisant les enveloppes. Si tu as ton enveloppe, prends ton enveloppe. Pour prier. Pour prier. Nous allons bâtir des hôtels. Pour qu'en son temps, que la grâce arrive. Pourquoi si tu touches ma position, Mouzouri? Si Dieu ne fait pas partie des bonnes positions. Oh, alléluia. La chorale. Pendant que nous prions. Un cours cantique, nous sommes en train de prier. Prononce des paroles. On a dit il faut des paroles. Commence à prononcer ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Baba mina ouvert un feu ya. Et sacrifice ya. Que ce temps soit favorable. Ma promesse ya qu'il fallait que par ma Isaïa. Mon yumba ya. Batoto bibi na kizazi. Parce qu'il touche par position. Esprit de Dieu, faire les deux choses au même moment. Donc notre table et les vœux. Mais à Léo. La table de ce soir. Satan a sécurisé par position, il est en phare. Que le diable ne puisse pas t'écarter de la bonne position. Satan a s'envoûté. Et que le diable ne puisse pas envoûter notre temps. Qui n'envoûte pas ton temps. A se voûter la catiaque. Que Dieu te donne l'intelligence des temps. Mungu akupatieko akili ya nyakati. Seigneur, je prie. Bwana naomba. Pour la table. Kwa ajili ya hii meza. La table, c'est un moment de communion avec toi. Meza hii ni wakati ya ushirika pamoja na wewe. Nous discernons le corps et le sang de Jésus. Na pambanua basi mwili na damu ya Yesu. Je bénis cette table. Ibariki meza. Ce pain et ce vin, qu'il soit le sang de Jésus. Et quand tu es mort, wakateleza kufariki, la voie est devenue libre pour entrer dans les lieux très saints. Jia ilikuwa wazi juu kuingia katika pahali patakatifu. Tu as tout fait selon le temps. Ulifanya vyote kufuatana nyakati. À 30 ans. Tu as été baptisé. Tu as commencé le ministère. Et puis tu es mort à 33 ans. Tu es ressuscité après 3 jours. Tu as même donné le timing. Et puis tu es monté au ciel. Et puis tu as dit que tu reviendras. Donc avec la table aujourd'hui. Que nos temps ne soient plus envoûtés, ne soient plus voués. Que nos positions ne soient plus bloquées. Mahali yetu akujikuta pazuli, ishikuye inyakubanwa. Que nous ne nous éloignons pas de nos positions de bénédiction. Na, na, fashe tu baraka. Je bénis cette table. Na, bariki meza hiyo. Au nom de Jésus. Nimo china la Yesu. Amen. Tunasema, la amen. Chorale, nous sommes en prière. Maombi. On enlève les... Donc tu donnes ton vœu. Tu parles, ne mets pas dans le panier comme il faut les masser. Ne dépose jamais dans le panier si tu n'as rien encore dit. Et tu mets dans le panier et tu prends la table. Kishona kamata meza. Connaissons maintenant le principe. Nous allons le faire. Comme ça, nous gagnons le temps et la chorale. Merci de nous accompagner dans une bonne adoration et la prière. Amen. Et nous sommes en prière. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faites ça. Vous faites ça et vous continuez la prière. Et dans 3-4 minutes, on va terminer. Se passe maintenant. prie le Seigneur. Pendant que les amis sont en train de continuer à manger la table, avant de terminer, Mina Penda, tu fais un sujet moi à prière qui m'est venu à l'esprit. Mwambie Mungu afutike wakati yako na position yako ya baraka kumacho ya ngisa. Alléluia. Là où j'étais assis, c'est même venu, l'esprit commençait à me dire de prier pour ça. Wena we ombea maisha yako. Wakati yako ya baraka, ile Mungu kalandre ya Mungu juu ya maisha yako ya baraka na position pale unapasha kuya. Mungu aifutike kumacho ya ngiza na ya shetani. Kama najua atakuchunga palwambo. Kama najua atakuwa kukwambrue busiku. No, apana. Mangaribi ya leo panda une minute. Omba Mungu afutike ile bintu kumacho ya ngiza katika jina. Elève ta voix. Commence à prier. Prie, bien aimé, pendant juste une minute de prière. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous bénis du fond de mon cœur. Jumayo, t'es tout quoi, pas tout naomba. Ce n'est pas pour rien. Mina joie que Mungu atatufanya nema. Na mina bariki meza. Je vois que les anciens, les diacres, on a pris qu'à Meza et Machiku, tout n'est plus qu'à Mokongo, comme Misa. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait un bon travail. Et que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas demander le travail à l'église, comme je le disais. L'église, il y a toujours à faire. Alors, il est porté à la connaissance de toutes les mamans que demain samedi, à 9h. Coucou rencontre à ma maman de district du côté Kampumpi. Alors, Mofike, Mokampumpi, Michel Kamutanzi, Apa, Patoka Motoka, c'est ça? Motoka Pamare en panda. Si vous chauffez chez toi, merci à vous chauffer chez mon ami Barik. Comme ça, maman, vous faites compte, papa Ndi Apa, Bende, Mokampumpi, culte, il y a district à maman 9h. Mais ici, tout à patana, 16h. Tu as peut-être quelque chose de 16h à 18h. C'est juste, tu n'as pas ni 2h. Alors, nous rencontrons demain de 16h à 18h. Malgré, c'est 2h du temps. On ne fait rien que 2h du temps. Donc, de 16h à 18h, tu n'as pas lisa. De 16h à 18h, nous allons terminer. Bien, samedi, tu nous donnes pour mon jika. Samedi, pour qu'on puisse rentrer à la maison. Et à dimanche. Pour nous préparer dimanche, pour le dimanche. Dimanche, nous allons parler de 10 choses qui nous manquent. Qui ont manqué. Et que Dieu est venu donner. Il est arrivé à Canaan, il manquait de vin. N'est-ce pas? Le vin donne la joie. Beaucoup de gens n'ont pas de joie. Dieu va donner la joie. Il y en a qui manquent la nourriture. Il y en a qui manquent la santé. Voilà, toutes ces choses-là, j'ai essayé de les répéter dans la Bible. Il y en a qui ont manqué les enfants. Dieu a donné des enfants. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai retenu 10. Alors, dimanche, ça sera un peu comme en semaine. Je vais juste donner les 10 choses. Et nous allons prier pour ça. Mais demain, que la Muntu indique la signification à Gina. Demain, que chacun écrive la signification de son nom. Nous allons mettre un panier devant nous. Briser. Nous allons briser. Tous les mauvais noms. Toutes les significations des mauvais noms. Par après, papa va brûler. Alléluia. Amen. De façon que Mungu atusaidi. Que Dieu puisse nous aider. Machina yetu kwe ikwe uru. Ikwe uru. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. pour ce moment que tu nous donnes. Bénis ton peuple qui s'est dépensé tous les jours. Que ta grâce l'accompagne, non seulement ce soir, mais toute sa vie. Et après cette semaine, le ciel qui est déjà ouvert, Seigneur, Amen. Laisse que la pluie soit libérée dans la vie de tes enfants. Amen. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.